Ouais, Girl G, Sanka, LSK, ça vient de la rue. Je viens de là où les murs se fissurent, y'a pas d'issue. On va en bas de la rue, dans les tranchées y'a pas de fissure. Rassemblés devant le mur, allez le dire aux mères. La police recrute, allez niquer vos mères. J'suis toujours ghetto, fier dans mon allure. J'suis content quand ça tire et quand ça s'allume. On m'a retiré le taf, on m'a pris de mes pères. 2008, bande de buts, j'ai plus rien à perdre. La vie me fait peur, mais ça me rend fort. Quand on traîne devant chez toi, t'appelles les renforts. Les gens se rendent faux et s'inventent des vies. Des grosses tapettes, des pédales quand ça part en vrille. À Boulogne-sur-Mer, y'a des rappeurs de haine, mais y'a plus de faux et des rappeurs de merde. Mon nom c'est Égal, j'ai ma signature. Couchez-vous quand j'arrive car mon signal tue. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Fais de la place au corbillard. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Cesse de bouger ton corps, biatch. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Écoutez le bruit des gyrophares. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Écoutez le cri des pyromanes. Dans mon cœur, y'a plus de peine que des larmes de haine. Une vie sans problème, un paradis, une sorte d'Éden. La tête dans la fumée, mais les pieds bien sur terre. Le respect se perd, comme beaucoup de nos frères. Les tares sont bien dosés, mais la rage veut pas se poser. Contamine nos écrits, explose dans nos phrasés. Cherche pas, y'a pas de Jay-Z ou de Beyoncé. Juste des galériens en manque de lové, en manque d'ambiance. Hey, je te raconte pas de la merde, je te raconte juste ma merde. Les couilles calées dans le froc, on est le reflet de notre époque. On nous parle d'NPE, trop de blabla. Ils cherchent à te caser, pas t'insérer. Pour pas se faire taper sur les doigts. Ça vient de la rue, t'inquiète, on soigne notre aspect. Mais à l'intérieur que des cicatrices, des cœurs balafrés. Un œil dans le rétro, mon rap se fait souvent flasher. Dans mon cœur, y'a pas de peine, que des larmes de haine. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Fais de la place au corbillard. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Cesse de bouger ton corps, biatch. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Écoutez le bruit des gyrophares. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Écoutez le cri des pyromanes. Entre tristesse et haine, pris de vitesse par ces graines qu'on sème. Pour qu'on se conserve, il faut qu'on se conserve. Les dates, l'échéance recule. La vie est une chienne et elle t'encule. Avant que mes yeux se referment, faut que j'enlève ces putains de cernes. Et j'ai l'impression qu'on est né avec ce putain de fardeau. Donc t'étonne pas que nos larmes nous rendent barjots. Les hauts placés jouent les guerriers, les quartiers deviennent des terriers. Difficile de relativiser quand l'état relate des faits pour nous diviser. L'écriture est la seule chose qui stoppe mes larmes. Et pendant ce temps-là, le chétan me nargue. Mais tu me connais, plus d'une flèche à mon arc. Et si je fléchis, je pense à mon père qui me regarde. Chaque matin, je me réveille avec cette haine, envie de tout péter. Seules les larmes, ma mère me retiennent. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Fais de la place au corbillard. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Cesse de bouger ton corps, biatch. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Écoutez le bruit des gyrophares. Ça vient de la rue, ça vient de la rue, ça vient de la rue. Écoutez le cri des pyromanes. Beaucoup de soldats du bitume. La rue c'est comme une partie. On grandit dedans, entre ces murs. On se bat pour ces murs, et on meurt. Contrat se termine, soit tu t'en sors et tu la quittes, soit c'est ton mort, et c'est elle qui, ça vient de la rue.